Chapitre 3e. 18 mai. Que de choses en 2 semaines. Récapitulons. Aussi bien il est nécessaire que je mette un peu d'ordre dans mes idées, que je sache où j'en suis et où je vais. Donc, le lendemain de ma visite, l'abbé arrive à la maison et déclare à maman, qui m'a répété le soir toute la conversation, qu'il faut me marier tout de suite, tout de suite. Maman approuve en principe, mais fait observer qu'il faut être 2 pour cela dans la pratique. « Qu'à cela ne tienne !» s'écrie l'abbé. « Mademoiselle de Couturier fera justement l'affaire. » Débat animé, maman interroge. L'abbé répond. Renseignements favorables sur la famille, la santé, la fortune. Un peu inquiétant sur le caractère. On a, paraît-il, de la droiture. On ne manque ni d'intelligence ni d'esprit. Mais on est un peu quinteuse, on aime à faire marcher les gens. On est, au demeurant, fort mal élevé. Maman fait la grimace. « Si vous voulez la perfection, dit l'abbé, adressez-vous ailleurs. Ce n'est point là ce que je vous apporte. » Cet aveu l'ayant mis à l'aise, il ne cache point qu'on a un grain de vanité, un autre de coquetterie et un 3e d'ambition. « Mais c'est un monstre !» s'écrie maman. « C'est ce qui vous trompe, ma chère dame, » répond l'autre avec tranquillité. « Aussi éloigné du monstre que de l'ange. » Et il ajoute qu'elle aime le monde, qu'elle a l'esprit net, positif, que c'est un vrai petit homme d'affaires en jupon. Pour le coup, maman croit que le bon curé perd la tête. « Enfin, me direz-vous ce qui rend mademoiselle le couturier si particulièrement intéressante à vos yeux, que vous avez décrété de me la donner pour belle-fille ?» La conviction qu'elle eût exercé par ses qualités et même par ses défauts, la plus salutaire influence sur Raymond. Je vous dis que ces jeunes gens sont particulièrement aptes à se métamorphoser l'un par l'autre, au grand profit de tous les deux. Mais êtes-vous bien sûr que de caractères si dissemblables s'accorderont? Oui, si l'amour s'en mêle. Vous savez que Raymond n'a pas de position. Il s'en fera. Qu'il a peu de fortune. Elle en a trop. D'ailleurs, il a un nom et un titre. Tel que je connais Madame le Couturier, c'est là un point capital. Ajoutez qu'elle a grande envie de marier sa fille. Si ce n'est pas encore fait, c'est que le père a refusé jusqu'à présent tous les candidats qu'on lui a proposés. L'abbé s'en va. Maman, très émue, me met au courant, quand je rentre, de ce qui vient de se passer. Je ne lui cache pas que le physique de la personne en question est loin de me déplaire. « Comment, malheureux? Mais tu la connais donc ?» Je lui réponds que je l'ai rencontrée plusieurs fois l'an dernier, que je viens de la revoir. « Ah mon Dieu, nous sommes perdus. Tu l'aimes déjà. » Je la rassure. Nous parlons de Mademoiselle Claire toute la soirée. Cette pauvre mère s'agite, s'excite, m'embrasse, ne dort pas de la nuit, ni moi non plus d'ailleurs. Le lendemain, un mardi, l'abbé revient et lui conseille d'aller faire une visite à Madame le Couturier. Prétexte, une quête de charité en faveur d'un paysan dont la maison a brûlé. Le mercredi, après déjeuner, départ en voiture pour les Ormes. Présentation, échange de politesse. Madame le Couturier est une femme longue, sèche, osseuse, qui cherche à se donner de grands airs, dit Madame la Baronne, gros comme le bras, et semble se gargariser avec quelque chose d'exquis toutes les fois qu'elle prononce cette formule. La moyenne de ses sentiments m'a paru plus que bourgeoise, mais elle ne les exprime qu'en un langage très noble. Mademoiselle Claire, qui faisait une partie de lawn tennis avec l'abbé, est arrivée tout à coup. Ses cheveux cendrés étaient un peu défaits sur le front. À chaque pas, de petites boucles indociles voltigeaient autour de sa tête. D'autres, au contraire, s'étaient collées sur ses tempes un peu moites et semblaient presque noires. L'animation du jeu avait coloré sur les joues sa peau fine de blonde, des teintes fraîches du plaisir et de la santé. Ses yeux bleus brillaient d'un éclat humide. Les ailes de ses narines humelèrent avec une précipitation qui soulevait et abaissait alternativement son buste, mince à la taille, superbement épanoui à la hauteur des épaules. Elle allait, son grand chapeau de paille d'une main, sa raquette de l'autre, d'un pas souple et relevé de chasseresse. Maman la regardait, d'un regard singulier, dont la pénétration semblait un composé de celle du médecin, du juge d'instruction, du confesseur et du couturier, chacun dans l'exercice de ses fonctions professionnelles. Et le nombre d'investigations spéciales auxquelles se livra ce regard, d'une extraordinaire acuité, est chose vraiment merveilleuse, car il mesura, je l'ai vu, le diamètre des épaules, le tour de la taille, le développement des hanches. Il explora la bouche, s'insinua dans la chevelure, constata qu'ici si rien ne manquait à l'appel, que là rien de factice ne se dissimulait sous l'opulence du chignon. Il entra dans les yeux comme s'il voulait par cette voie pénétrer jusqu'à l'âme même qui habite cette gracieuse enveloppe. Il passe la revue des attaches du cou, de la main, du pied, contrôla pour finir la coupe du corsage et de la jupe, le tout en moins de temps qu'il ne m'en fallut pour saluer. Échange de quelques phrases de la plus complète insignifiance entre elle et moi. Je lui parle cheval pour dire quelque chose, elle me répond qu'on court hippique. Nous nous observons du coin de l'œil. Départ. À peine assise dans la voiture, maman éclate. Elle est charmante. Je ne réponds pas. Charmante m'a paru faible. Adorable conviendrait mieux. Mercredi, jeudi, vendredi, rien. Maman est nerveuse, a des attendrissements subis en me regardant. Je ne suis pas moins agité qu'elle. Impossible de tenir en place. Samedi, je vais entendre à l'opéra comique Roméo et Juliette. Cette musique me paraît divine. Je rentre à Châteaufrayé par le train des théâtres et je passe la nuit à me promener dans le parc, au clair de lune. Dimanche, un enfant de cœur apporte un billet de la Paix Papillon à maman. Tout va bien. La première impression n'a pas été mauvaise. Attendez-vous à recevoir demain la visite de ces dames. Seconde nuit blanche. J'écris 25 pages de mon roman, toute la grande scène d'amour que je n'avais pas encore pu enlever. Lundi, à 2 heures, on sonne à la grille. Je deviens tout pâle. Maman ferme les yeux. La porte s'ouvre, c'est elle, avec sa mère. Elle porte une casaque gros bleu à petites raies blanches. De même étoffe que la jupe est ouverte sur le devant, de manière à laisser paraître un gilet blanc. Cette toilette lui à ravir. Mais quel regard en entrant dans le salon! Un regard clair et froid qui s'est promené en une seconde du parquet au plafond, comme pour dresser rapidement l'inventaire de notre mobilier, hélas un peu défraîchi. Un vrai regard de commissaire-priseur. Promenade dans le parc. Madame le couturier, toujours hantée par des idées d'ordre aristocratique, déclare que nos arbres ne dépareraient pas Marly, Trianon ou Chambord. Sa fille me demande combien nous avons d'hectares. Quelle drôle d'idée de me faire cette question d'arpenteur. Est-ce que je sais, moi, combien nous en avons d'hectares? Elle part étonnée du peu de considération que je témoigne pour le système métrique. Je le suis bien davantage en apprenant que son père lui a appris à jouer aux échecs et qu'elle y est très forte. Cela ne l'empêche pas d'être jolie d'ailleurs, ou non. À 3 heures, ces dames partent. Je monte à ma chambre, je me jette sur un canapé et je reste là, tout abasourdi jusqu'au dîner. Mardi, mercredi, jeudi, rien. Vendredi, nous nous rencontrons, étant à cheval tous les deux dans la forêt. Grosse émotion en la voyant. Juste à ce moment, Sultan prend peur d'un tas de fagots, fait un écart et manque de me désarçonner. Je crois voir un petit sourire pas très bienveillant sur les lèvres de Mademoiselle Claire. Dépit. Je fais prendre un peu de champ à mon cheval et je l'enlève d'un bond prodigieux par-dessus le tas de fagots. « Bravo, monsieur !» s'écrie Mademoiselle Claire. Je salue et je m'en vais sans oser l'aborder. Samedi, je pense à elle toute la journée. Et aujourd'hui, dimanche, mon Dieu. C'est bien simple, aujourd'hui, je l'aime éperdument.